et merci d'être à l'écoute de nos programmes sur Radioactive. Vous êtes dans cette nouvelle édition du MAG où aujourd'hui, comme je vous l'annonçais hier, nous recevons Clara Fillon. Bonjour Clara. Bonjour. Clara, vous êtes responsable de la MJC Centre Social Charles Péguy, donc à Amboise. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un événement phare qui va avoir lieu parce que cette année, c'est les 60 ans de la MJC. Exactement. Radioactive, en fait, c'est 20 ans et nous, on a déjà 60 ans. En fait, c'est le premier événement de nos festivités anniversaires, puisque l'association a été fondée en 1964, en avril 1964. Donc on marque le coup avec un grand bal populaire costumé le 19 avril prochain. Alors, il aura lieu où ce bal populaire et est-ce qu'il est ouvert uniquement aux adhérents de la MJC ou plus largement à tous les publics ? Alors, nous, on touche tous les publics. Donc, évidemment, c'est ouvert à tous et toutes. Il aura lieu à Noiset, sur la commune de Noiset, dans la salle des fêtes, puisque la MJC d'Amboise s'adresse à tous les habitants de la communauté de communes. Donc, on s'est dit, pourquoi pas Noiset ? Voilà, qu'on remercie de nous accueillir, évidemment. Et d'ailleurs, on a régulièrement dans MJC Jeunesse Live des jeunes de la commune de Noiset. On pense à Corentin et Marcelo, qui sont souvent avec nous. C'est ça, ils seront là. Je sais que certains ont déjà préparé leur costume, comme nous, voilà. Alors avec nous, ils enfilent leur costume de journaliste le mercredi. C'est ça. Et ils sont très très bons, ainsi que les autres qu'on n'oublie pas évidemment, qui sont là aussi régulièrement. C'est ça. Donc ce bal costumé, on a dit ouvert à tous. Est-ce qu'il y a une participation financière ? Pas du tout. Il est totalement gratuit. Il y aura une buvette, une restauration sur place. On ouvrira les portes aux alentours de 19h30. Et puis, on organise surtout un transport depuis Amboise. Super. Sur trois arrêts, en fait. On fait un départ de la Verrerie. Okay. On va ensuite à Malétrenne, à la Croix-Bénard. Et ensuite, dernier arrêt pour Amboise, pour aller rejoindre Noiset, à la fontaine Max Ernst, en fait, d'Amboise au centre-ville. Et on prévoit évidemment le retour. Tant qu'à faire, avec deux boucles, un départ prévu aux alentours de 23h et un autre aux alentours d'1h du matin. Donc un bal populaire costumé, vendredi 19 avril, à Noiset. Il y a une thématique particulière ou alors chacun vient avec son costume ? Ce qui vous fait plaisir, faites-nous rêver. Nous, on prépare les nôtres activement, ou pas, selon certains. Et puis surtout, c'est encore un partenariat avec Veston Léger qui participe notamment aux artistes en fait, qui seront présents sur place. Donc, voilà, avec lesquels vous collaborez sur l'open mic sur notamment. Les open mic, les open dance, voilà. Donc en fait, la première partie, ce sera avec un orchestre en musique live. Et à partir de 21h30, on sera sur un set de DJ en fait, pour danser jusqu'au bout de la nuit. The MJC All-Star Orchestra. Ouais, oui, oui. Ça promet. On est dans quel style un petit peu là ? On est plutôt culture urbaine, mais plutôt dans l'idée de danser, en fait. Nous, on a vraiment envie de faire la fête et puis de danser. Donc l'occasion pour les plus jeunes adhérents de venir notamment avec leur famille ? Avec leur famille, mais pas que, puisque l'espace jeunesse en fait organise aussi une soirée où on se propose d'accompagner vos enfants si jamais vous voulez vous en débarrasser et que nous, on les gère, voilà. Donc on a l'espace ado qui fait une soirée, une veillée ce vendredi soir au bal costumé, voilà, pour accompagner les jeunes qui souhaiteraient y aller. Eh bien, on voit que tout a été bien pensé, et c'est fabuleux. Donc très très bien ce bal populaire costumé à la salle des fêtes de Noiset à partir de 19h30 en accès gratuit. C'est ça. Alors je crois savoir qu'il y a tout un programme thématique aussi pour le mois de juin puisque les 60 ans de la MJC continuent. Et oui, puisque c'est que le premier événement en fait, de l'année, puisqu'on aura une grande semaine anniversaire où pendant 10 jours, on sera en animation, en événement dans Amboise et la communauté de communes, puisque du 15 au 23 juin, tous les jours, on proposera un événement mettant en valeur en fait, nos pratiques artistiques et culturelles. Donc tous nos ateliers, il y aura l'expo de dessin que vous connaissez déjà, il y aura le festival Petites Pièces Détachées, il y aura le gala de danse évidemment, la fête de quartier, tout ça sur 10 jours. Et en plus de ça, en semaine, on va essayer d'investir, on va pas essayer, on va investir les lieux d'Amboise et de la communauté de communes pour proposer aussi des initiations à des ateliers, proposer de la nouveauté, du concert, du théâtre d'impro et une fête de la musique évidemment. Évidemment. Alors, ça pourra permettre à ceux qui le veulent de s'essayer, de s'initier à différentes disciplines en vue peut-être d'une inscription en septembre prochain. Bien sûr, de découvrir ce qu'on fait à la MJC. Ça permettra aussi aux jeunes qui souhaitent s'investir en fait dans l'organisation de ces événements et de nous donner un coup de main ou même des bénévoles hein, qui seraient motivés pour nous aider sur ces projets-là, de nous rejoindre, de voir ce qu'on est capable de faire à la MJC d'Amboise. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, Clara. On a déjà eu l'occasion d'en discuter, mais c'est l'investissement bénévole. Oui, l'engagement bénévole, c'est on est une association, donc en fait, sans bénévoles, on n'existerait pas. Oui. On est très attachés à nos bénévoles et au temps qu'ils nous donnent, donc on essaye de les investir, les faire sentir investis dans tous les projets qu'on mène. Et puis, c'est surtout que ces projets-là viennent des bénévoles. Nous, nous sommes que les techniciens pour mettre en place, en fait, ce que veulent les bénévoles. Voilà. C'est tout le secret aussi de la réussite de tout ce que vous proposez, c'est que ça émane de leurs idées à eux et non pas de propositions que vous leur imposez. Exactement. Là, c'est vraiment une volonté de faire la fête de nos bénévoles. Après, nous, en tant que salariés, évidemment, on aime bien faire la fête aussi, donc on est plutôt partant. Mais voilà, c'est sympa, en fait, d'avoir plusieurs visions qui se confrontent et d'arriver à en faire quelque chose d'unique. En fait. On a bien compris que vos actions, elles s'étendaient sur Amboise, sur la communauté de communes. Est-ce qu'il y a encore un petit peu cette image que le centre social, la MJC, c'est intra-quartier de la Verrerie ? Potentiellement, on a souvent ce genre de réflexion et de constat de certains habitants. Sauf qu'en fait, on a énormément d'ateliers qui se passent loin d'Amboise, c'est pour ça que c'est bien de le loin rappeler. De la Verrerie, puisqu'on a des ateliers à Chargé, à Saint-Ouen-les-Vignes, des ateliers à Amboise au centre culturel, mais aussi au théâtre Beaumarchais, dans les quartiers. On essaye d'investir un peu toute la communauté de communes et on a des super lieux en fait. On découvre aussi des lieux super intéressants. Par exemple, notre gala de danse cette année, qui sera le 15 juin 2024, on sera à Nazelles. Il y aura une soirée organisée à Saint-Ouen-les-Vignes durant la semaine anniversaire. Et puis après, on reste la MJC d'Amboise. Donc évidemment, on est attaché à Amboise. Mais on s'est développé notamment sur les actions jeunesse. Donc voilà, on essaye de donner une identité, une place à tout à chacun du territoire en fait. Alors, il me semble qu'il y avait la quinzaine de la parentalité là, qui était en route. C'est terminé, pas encore ? Alors, la quinzaine de la parentalité, c'est du 6 avril au 20 avril. Donc voilà. On est en plein dedans. Non, en plein dedans, au okay. Plein cœur de la quinzaine de la parentalité. Nous, au sein de la MJC, on a travaillé en partenariat donc avec l'ensemble des membres du REAP, en fait. Relais d'écoute, d'aide et d'accompagnement aux parents. Voilà. C'est bien de le rappeler parce qu'on travaille beaucoup avec des sigles. Ouais. Ça ne parle pas forcément toujours à tout le monde, mais ouais. D'accord. Voilà, donc le réseau d'écoute, d'accueil et d'accompagnement aux parents. Et on propose des animations avec l'espace santé jeune, puisque nous, on a voulu donner en fait, la place à la parentalité adolescente. Mmh. Voilà, plutôt la place où on parle beaucoup de petite enfance. Et nous, en fait, on est parents toute sa vie, quoi. Donc on s'est dit. Et puis au final, la parentalité, quand on est parent d'ado, c'est pas forcément le. C'est pas le plus facile. C'est pas le plus facile, je pense. Donc on a vraiment voulu donner cette couleur-là. Donc on avait mercredi dernier un débat mouvant autour du numérique. Et mercredi prochain, on a la playlist des émotions proposée par l'espace santé jeune. Voilà, en collaboration avec nous. Et surtout, dès demain, le 13 avril, on sera sur l'île d'Or avec tous les partenaires du REAP pour animer l'animation Bulle d'air, qui est le temps fort de cette quinzaine et où on propose plein d'animations puisque le thème de cette année, c'est les cultures avec un S. Mmh. Du coup, un concert a lieu à 15h30 avec des musiciens de l'association Le Pied à l'Oreille qui a enregistré des berceuses dans les quartiers, au sein des associations, au sein des partenaires en fait, du REAP, de plein de familles, et qui en ont fait un concert. Voilà. Là encore, c'est en accès libre. C'est gratuit. Oui, C'est en accès libre. Il y a plein d'animations pour toutes les tranches d'âge. Encore une fois, on fait un partenariat avec l'Espace Santé Jeunes pour la MJC d'Amboise, mais vous aurez les relais petite enfance qui proposent des espaces pour les tout-petits. Mmh. Vous aurez ce petit coin détente justement pour eux, livre passerelle avec des livres, la communauté de communes qui sera là aussi en coordination de cet événement. Puis vous avez la MDS qui sera présente, vous avez tout un tas de partenaires qui seront présents pour parler parentalité de manière très ludique. Et nous, sur la MJC d'Amboise, on est avec nos jeux en bois, évidemment. Mais ils sont tellement beaux, ces jeux en bois. C'est du fait maison. Hein. On pense à Mounir, qui a passé pas mal de temps sur la conception de ces jeux, notamment. Et puis, surtout, on met en valeur, puisque là, pendant qu'on parle, il y a un petit atelier, ou plutôt un grand atelier cuisine de pâtisserie en fait, marocaine. Mmh. Faite par des habitantes de quartier. Donc on tiendra aussi l'espace un peu restauration, petite restauration goûtée de l'après-midi de demain. Et on espère qu'il y aura beaucoup de monde. Alors pour les auditeurs qui réécouteront cette émission demain, puisqu'elle repassera, nous serons donc le samedi 13 avril. Le samedi 13 avril, ça n'aura pas lieu demain, mais bien cet après-midi, puisque nous serons en rediffusion. Donc le samedi à partir de 15h30 avec un concert. Alors à partir de 14h. À partir de 14h. Et c'est le concert qui est à 15h30. Ok, ouais. Donc on peut déjà venir avant. Voilà, exactement. Très bien. Si nos auditeurs veulent davantage de renseignements, où est-ce qu'ils peuvent retrouver toutes ces infos, voire même des infos supplémentaires, parce que vous proposez tellement de choses. Ils se renseignent où ? Alors, sur notre site internet, mjcdamboise.fr. Après, on a aussi développé une application qui s'appelle Cilia. Mais de toute façon, si vous allez sur le site, vous aurez toute la procédure qui vous sera expliquée pour être au courant des toutes dernières actualités. Et après, évidemment, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où on est aussi relativement actif. Et sur lesquels on retrouve le QR code pour pouvoir justement accéder à cette application qui vous préviendra à chaque fois qu'il y aura une animation proposée par la MJC d'Amboise. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez, Clara, à nos auditeurs pour les inciter à venir à ce bal populaire, puisqu'il viendra commémorer les 60 ans de la MJC ? Qu'est-ce que je leur dirais ? Moi, je leur dirais, venez en toute simplicité ou pas, venez avec votre personnalité ou pas. Nous, sur la MJC, le premier objectif, c'est de cultiver l'art d'être ensemble, tout simplement. Et bien sûr, ces belles paroles. Merci beaucoup, Clara, d'avoir consacré un petit peu de votre temps, puisqu'on sait que la préparation est lourde. Donc, merci beaucoup, Clara. Bah, de rien, j'ai une super équipe qui gère, donc ça le fait. J'ai pris plaisir à venir ici. Pendant qu'ils sont en train de tout préparer. Et bien, on les salue. Eh bien, merci beaucoup. On souhaite de belles réussites pour ces différents projets. Et puis, on se retrouve très vite, puisqu'on n'est jamais bien longtemps sans se croiser et sans pouvoir relayer les informations de la MJC. Merci beaucoup. C'est la fin de ce mag. Bon week-end à tous. Week-end qui s'annonce ensoleillé. Et on se retrouve dès lundi.